Le dernier jour, les chemins tombent des falaises, tout décline, devient fadaise. Le dernier jour, tu m'envoies le baiser de la mort, de dos tourné vers un ciel d'or. Le dernier jour, les ombres froissent la lumière, la jette avant de s'envoyer en l'air. Le dernier jour, l'espoir s'absente pour maladie, je te hais quand le néant s'investit.